Salut à tous! Vous êtes dans les studios de Radio Panique pour le 13e Où ira bien, qui où ira le dernier. Une émission exceptionnelle pour des invités exceptionnels parmi nous aujourd'hui. Thomas Barrière et Bastien Pelinck sont là pour nous présenter leur duo Algeco. Exceptionnellement à Bruxelles en ce moment, vous nous expliquerez comment, pourquoi. D'ici là, on va vous entendre en live, messieurs, pour Radio Panique, Où ira bien, Algeco. Youpi! Stéréoscope. Call me away. Something. Premier morceau du duo Algeco dans les studios de Panique. On entendra un live d'ici une demi-heure qui durera lui aussi une demi-heure. Messieurs, bienvenue dans les studios de Radio Panique. Comment, bon, ça fait longtemps que vous vous connaissez tous les deux, Thomas Barrière, Bastien Pelinck. Vous n'avez pas que la musique en commun, mais on va principalement parler de ça dans cette heure. Comment est né ce duo Algeco? Eh bien, il est né de la rencontre avec le cirque Trottola, avec lequel on joue depuis 3 ans et demi. Oui, vous avez créé donc la musique pour un de leurs spectacles, Volchok. Ouais. La dernière création là, on a bossé ensemble avec eux et tout cet univers de cirque là qu'on a bossé avec les circassiens sur le piste et nous deux nous a donné envie de créer aussi notre propre duo mais en dehors du cirque avec des éléments un peu de cet univers là qu'on a créé et qu'on développe toujours pendant ce spectacle quoi. Ouais, vous avez déjà un duo pendant le spectacle, la musique ouais. A rien à voir avec ce que vous proposez. Ça c'est un peu la même esthétique, quoi. Un peu des détournements d'objets, un peu comme on fait, quoi. Et un peu sur le son, où on traite de manière un peu expérimentale le son, mais on l'amène dans des morceaux, quoi. On en fait des chansons, un peu. Un peu à la Tom Waits ou des choses comme ça. Donc là, c'est un peu le même délire. Ouais, vous êtes venu avec quoi, là? Alors là, il y a tout un. Pour ma part, j'ai 2 bidons d'essence avec des pédales de grosse caisse. Voilà. Et ça me fait une sorte de batterie au pied, quoi. Rudimentaire, hein. Bien rudimentaire. Qui claque bien, quoi. Et puis après, j'ai une guitare un peu particulière. Là, j'ai joué du toy piano. Bon. Et après, j'ai. Tu as très bien joué, Toto. Que je vais utiliser, qui est double manche, mandoline et guitare normale. Et puis voilà, je fais des rigolades avec ça, quoi. Ouais. Bastien. Et moi, c'est plutôt des espèces de claviers bizarres. Du coup, un espèce de clavier analogique là, qui me sert de fil de conducteur pendant tout le concert. Alors, il y a pas mal de sons que j'ai travaillé avec ça. Et après, c'est des petits claviers que j'ai récupérés à droite à gauche. Un petit bon tampi, un petit toy piano. Et normalement, là, j'ai pas tout mis, mais il y a des choses plus petites. Puis pas mal de conneries, de jouets. De petites trompettes. Voilà, chacun plein de jouets, plein de bidules. A priori, Bastien, t'es plus violoniste de formation. Ouais. T'avais envie d'un projet clavier. Ouais, j'ai toujours fait du violon, depuis que je suis tout petit. Mais j'ai toujours fait aussi du piano comme ça, quoi. Et de manière un peu empirique, quoi. Toujours en essayant de choper un peu des mélodies, des machins. Et du coup, il y a toujours eu un clavier qui a traîné. Donc voilà, là, c'est. C'est un peu évident de délirer sur ces claviers-là, quoi. Mais voilà, en parallèle avec le violon, et c'est le premier projet où je ne fais pas de violon dedans, mais je fais du chant, et c'est tout nouveau aussi. Ça fait quelques années que tu chantes. Ouais, ouais, mais là, voilà, d'un truc un peu assumé, avec limite quelque chose d'assez composé. Voilà, c'est un peu nouveau, mais c'est bien. Ça permet de prendre un peu des risques, quoi, de se mettre un peu en danger, parce que le clavier, j'en joue pas super bien, du coup, voilà, je suis obligé de jongler avec ça, et le chant, pareil, donc c'est vraiment... l'occasion pour moi de tester des trucs. Tu dis quelque chose d'à peu près composé. Ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même assez, assez calé pour le coup. Ouais, celui-là, c'est peut-être carrément le morceau peut-être le plus écrit, ouais. Le plus écrit avec une structure, voilà. Ça s'appelait comme Your Way. Ouais, Something. Something. Il faut, ouais, sinon ça n'a aucun sens. Ouais. Voilà. Alors que là, voilà. Et justement, vous travaillez l'écriture tous les deux, comment vous fonctionnez? Les morceaux, ils sont arrivés de façon assez instinctive et assez brutale, comme ça, dans des espèces d'impro qu'on a fait à deux, ou alors des petites bribes de thèmes, de tournes, là, comme font les vrais groupes. Donc, t'as une idée, un riff, quoi, tu fais ça, puis... Mais on se prend pas la tête, c'est pas du tout... On fait des buffs, quoi. Et puis d'un coup, il naît un truc, on réfléchit un peu, mais c'est des structures très simples, quoi. Et du coup, vous le présentez suite à des spectacles du cirque Trottola? C'était un peu l'idée au début, et en fait, on se rend compte qu'on le fait pas vraiment, parce que des fois, on est trop pris avec le cirque. On aime bien aussi avoir le temps de se préparer pour le spectacle, et puis quand on est en tournée, on est avec les copains aussi. Voilà, on se prend du temps tranquillou et être aussi d'attaque pour le spectacle. Donc du coup, on l'a fait juste avant là, de venir à Bruxelles. On était à tourner avec le cirque, et puis du coup on a fait un petit concert chez des copains, mais en général voilà, et puis on arrive en fin de tournée, là le cirque va s'arrêter en décembre, du coup c'est l'occasion pour nous de... Vous allez donc arrêter les projets avec le cirque Trottola. Ouais, ça s'arrête, ouais. Ouais. Le cirque s'arrête ou c'est vous? Le spectacle s'arrête, ils vont recommencer une création là en janvier, février, ça va redémarrer avec d'autres personnes qui vont venir dans la compagnie. Et nous on s'en va de notre côté pour faire un truc aussi. D'accord. Ben, on va continuer ce groupe là. Ouais. Puis après en duo on fait aussi un ciné-concert en caravane, tout ça là. Ah ouais, sur quel film? Sur des films de création. Okay. Voilà, de deux réalisateurs qui sont pas piqués des verres quoi. Ouais, du ouais. Sud aussi? Ouais, non, il y en a un du Mans et sinon du Sud. Ouais. Ouais. On va écouter un peu peut-être donc vos projets solo hein. Ah ouais, bien sûr. Avant de revenir au duo, peut-être Bastien, tu disais, hein, t'as une formation de violon, ouais. Et t'as travaillé un solo violon acoustique. Ouais. Ouais, j'avais envie de... J'ai essayé pas mal de trucs avec le violon, toujours avec des pédales, des effets, des machins. Et puis à un moment donné, après une espèce de performance qui s'est plus ou moins bien passée, enfin plus ou moins mal passée, quoi, pour moi en tout cas, j'ai décidé de larguer un peu tout ça et puis de partir sur l'acoustique du violon. Puis j'ai bossé en caravane, là, en tournée du cirque, donc ça te confine, il y a un espace un peu confiné, et du coup ça aboutit à quelque chose en tout cas. Et là, ce qu'on va écouter, c'est... je l'ai joué très peu de fois, ce solo. Donc c'est une espèce d'improvisation qui se développe pendant trois quarts d'heure avec une trame assez écrite quand même. Et puis après, je peux me balader sur différentes matières. Là, ce qu'on va entendre... Et ce qu'on va entendre, c'est presque les premiers essais quoi, sur un mode de jeu que j'aimais bien. Et c'était, pour l'idée, c'était l'anecdote. C'était à Kratorville, ouais, en Tchéquie. On était dans un petit village, dans la cour d'un château, c'était rigolo. Il y avait le cirque implanté, puis il y avait une petite chapelle à côté. Donc moi, tous les matins, j'allais faire du violon, puis j'ai laissé traîner un petit enregistreur, et puis voilà, ça donne ça, quoi. Ok, dans la chapelle. Ouais, qu'il y avait un super son, donc du coup, j'allais répéter là-bas. Ok, c'est ce qui s'appelle Dedans ? Ouais. Allez, Dedans par Bastien Pelenc. C'était Bastien Pelenc en solo violon. On peut écouter un deuxième morceau, Bastien. Ouais. Plus, je sais pas si là c'était écrit, mais en tout cas. Non, pas du tout. Non, là, c'est quelque chose de très lâché, comme ça, un peu. Voilà. Pas encore avec la voix. Non, la voix, elle est venue un peu plus tard. De temps en temps, il y a des petites bribes de voix qui viennent. Mais là, dans ce deuxième extrait, il n'y en aura pas non plus. Et voilà, c'est une impro un peu plus longue, là. Très bien. Écoutons, quoi. Impro. Thank you. C'était Bastien Pelinck, une improvisation au violon qui sonnait, ma foi, assez musique classique comme ça, alors que tu as aussi utilisé le violon dans des groupes où c'était fort, tzigane. Comment tu évolues avec cet instrument ? Et ben justement, ça a commencé vraiment avec une espèce de carcan classique. Mmh. Mais c'est devenu un carcan dans le sens où j'arrivais pas à me dépêtrer de la technique classique et du mode de jeu qu'on m'a appris, d'un mode de jeu très occidental, donc dans les conservatoires qui ont conservé cette musique classique et qui moi m'enfermait un peu. Du coup, donc je suis parti vers d'autres musiques, effectivement un peu de musique, l'est. Voilà, un peu de musique de l'est puisque le violon il a cette histoire aussi là et puis j'avais envie de la jouer parce que je l'aime beaucoup. Et puis après d'autres trucs, des trucs un peu plus expérimentaux, des un peu travailler avec l'électroacoustique aussi à Marseille avec des copains. Et après, voilà, et après l'idée d'y foutre des effets, d'y faire plein de choses. Et puis de revenir à l'acoustique. Et le seul moyen, pour moi, que j'avais une frustration, c'était que justement, comment sortir de ce mode de jeu du violon qu'on m'a toujours appris et où j'étais un peu enfermé, c'était de juste désaccorder les cordes. Et du coup, d'avoir une sonorité plutôt proche de l'alto. Chose que j'avais toujours voulu faire aussi. Et donc c'est hyper simple, hein. Tu défais un peu les chevilles, puis tu as une résonance un peu différente, une sonorisation différente. Et à partir de là, il y avait une espèce d'un nouvel espace qui s'ouvrait. Et ajouté à ça, tu te mets dans un espace qui sonne à peu près bien. Donc là, cette chapelle, c'était du pain béni, quoi. C'était génial. Mais sinon, voilà, essayer de... voilà, une caravane, ça sonne pas bien, mais du coup, tu essaies de trouver des choses. Et puis après, quand tu vas dans un truc qui sonne bien, ben, du coup, tu trouves encore plus de choses, c'est plus facile. Et voilà, donc du coup il y a cette espèce de mélange de tout quoi, de grosses frustrations classiques, mais en même temps j'ai cet héritage là, donc je le fais, mais dans un format peut-être plus contemporain, en allant chercher des matières, mais de toute façon, voilà, il me suit tout le temps, ce truc-là, quoi, classique. Donc c'est pour ça qu'il y a ces petites références. Puis voilà, moi, je peux passer à écouter, tu vois, du Fred Frith, et en passant tout de suite à du Monteverdi et du baroque, et du Residence, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je me pose pas vraiment de questions sur qu'est-ce que je dois faire. Ça se fait tout seul, et du coup, il y a tous ces trucs que j'ai... que j'ai assimilé, tu vois, enfin que j'essaye de, voilà, tous les trucs que j'ai essayé de digérer, je les ai mis là-dedans, voilà, et dans un truc assez quand même bien rentre dedans, quoi, voilà. Thomas Barrière, tu saurais dire un mot ou deux sur le solo de ton ami Bastien Pollanck? Ouah, c'est beau ça. Joli. Je trouve ça super beau, sa musique. Mais c'est vrai. Et puis je trouve que c'est... Enfin ouais, comme il dit, il se pose pas de questions, quoi. Quand il faut le voir jouer aussi, c'est un truc hyper physique. Enfin, il est hyper dedans et tu vois que le mec il joue, quoi. Il est dedans. Toi, il y a le mec qui est là, qui joue, et ça crache, quoi. Et puis il y a le mec qui joue, mais bon, lui ça crache, quoi. Ouais, voilà. Et il a le son. Ouais, c'est clair. Non, je trouve qu'il y a aussi une forte référence aux musiques ethniques, folkloriques. Enfin. Et parce qu'il fait tout des désaccordages de ces cordes là et ça, c'est aussi peut-être pour faire un pied de nez au classique aussi, c'est changer l'accordage. Enfin, moi je le fais vachement aussi dans ce que je travaille, ouais, c'est ça, en solo, et je suis fort sensible à ce truc de musique folklorique comme ça, c'est un truc qui me touche vachement, donc voilà, ça me plaît beaucoup. Moi c'est ce que je bosse aussi. Ouais, dans ton solo primaire, c'est ça. Il y a une influence forte musique ethnique comme ça. Ouais, à fond. Ouais. De pays un peu étranges entre guillemets, enfin qu'on connaît pas vraiment, quoi. Ouais. Donc je m'inspire pas mal de musique. Je vais choper des CD au Kora, des machins comme ça. Baloutchistan. Ouais, Baloutchistan, Namibie, plein de choses comme ça. Puis j'essaye de retrouver des sons. Enfin, imiter des instruments, mais ouais, pas que, tu vois. Je transpose ce truc-là, et puis avec tout ce que j'ai... Tu pars de ces musiques ? Ouais. Ouais, enfin, j'en écoute vachement. Et puis, après, ce que j'en ressors, c'est pas du tout ça, mais il y a quelque chose comme ça, quoi. Et après, c'est nourri de toutes les influences. Moi, je viens plutôt du rock au départ, quoi. Enfin, rock progressif, genre King Crimson, des choses comme ça. Donc, il y a une espèce de mélange comme ça, entre Godspeed You et puis des musiques, des steppes de Mongolie ou je sais pas quoi, enfin tu vois, c'est un peu ça le délire. Et pour ce solo primaire, tu as travaillé de nouveaux instruments, enfin t'es resté sur la guitare, mais... Ouais, j'ai une guitare, alors je suis un grand malade, moi j'ai une autre guitare, là-dessus je bosse sur une guitare double manche, un peu genre, enfin 12 cordes et 6 cordes, où j'ai fait rajouter une sortie sur l'instrument, donc chaque sortie va sur un ampli, donc c'est sur deux amplis, quoi. Et après, là-dessus, tu peux jouer tout tu fais des ping-pong, des résonances, tu joues que sur une guitare où il n'y a pas le volume, et puis ça fait sortir l'autre en résonance, et... Enfin, il y a des trucs super chouettes à faire avec cet instrument, quoi. Ouais. Voilà. Et le solo, c'était un projet qui te tenait beaucoup à cœur, hein ? T'as beaucoup, beaucoup travaillé. Ouais, j'ai beaucoup bossé. Ouais, c'est un truc... c'est un sacré défi, je trouve. Enfin... Je pense que ça l'est pour tout le monde. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été. Voilà, tu te retrouves tout seul, quoi. Bon, ben... Et qu'est-ce qu'il y a vraiment dans toi ? Enfin, qu'est-ce que tu es ? De quoi t'es fait, quoi ? Parce que quand tu fais un groupe, tous... t'as les influences de chacun. C'est ça qui est super intéressant aussi. Mais dans le solo, tu retrouves... Enfin, j'avais besoin de trouver vraiment qu'est-ce que je suis, quoi, en fait. Et après quelques années de travail, de représentation, ça en est où ? Là, tu le sens comment, ce solo ? Il y a un album qui arrive, donc... Ouais, ben là, ce qu'on écoute en fond, le début, là, c'est une pré-prod de l'album que je vais faire courant 2012, là. Voilà, après, j'essaye de jouer pas mal, quoi. Donc j'ai fait 30 concerts, un truc comme ça. C'est pas énorme, mais... C'est déjà pas mal, entre le cirque et tout le truc, là. Donc j'essaye vraiment de jouer régulièrement. Et ça évolue sans cesse, quoi. Mais là, je suis arrivé à une forme que j'ai envie de mettre sur un support, quoi. Voilà. Et du coup, je cherche un label et tout ça. Mais... D'accord, ouais. Voilà. L'album est prêt et il manque... Ouais, c'est ça, ouais. Il y a la pré-prod, après, il faut que j'enregistre... Là, c'est fait home studio, quoi. Et après, j'enregistrerai dans un truc pro. Voilà. Donc j'envoie ce support à tout le monde. Enfin, tout le monde. Ouais. C'est que ça peut intéresser. On peut aller l'écouter, hein, solo, le, ce solo des morceaux de primaire sur ton MySpace. Ouais. Il faudrait que je le mette à jour, ouais. Mais pas vraiment en fait. Mais voilà. Ok. Ouais. Donc si vous voyez une affiche avec Thomas Barrière, primaire. Ouais, il faut venir. C'est ça. Cool. On va écouter le morceau. Merci. retour dans les studios. Où ira bien qui ira le dernier. On vient d'entendre un morceau de Thomas Barrière en ce vendredi 28 octobre. Et en effet, c'était une musique assez très planante. Tu sais que tu venais du rock avec des influences comme King Crimson. Rien à voir là. Ça... Ben, ouais. Oui et non. Oui et non, parce que King Crimson font quand même des trucs. Bon, c'est plus. C'est bien rock quoi, mais ils font des morceaux quand même bien planants aussi. Donc. Au fur et à mesure, je m'assagis un peu, quoi, dans certains trucs, quoi. Enfin, en tout cas, en solo, c'est plus... Ça vient plus dans ce côté-là, planant, un peu à la Godspeed You, des machins comme ça. Très bien, messieurs, j'ai fort envie de vous entendre. Vous avez vraiment donné le goût avec le premier morceau, tantôt. Juste un petit mot quand même, nous dire pourquoi vous êtes ici à Bruxelles. Vous arrivez tous les deux du Sud, vous avez fait la même école hein, d'ailleurs pour info, non ? Ouais. Hein, le Thor. Hein. Ah, au Thor, ouais, à côté d'Avignon. Vaucluse. C'était une super école, petite école. Ouais. Musique actuelle. Musique actuelle, ouais, bien branchée, musique contemporaine, un truc comme ça. C'est ça qui nous a un petit peu... Hop, ouais. Voilà quoi. Et bien, on est là parce qu'on jouait donc avec le Cirque Trotola à Tournai. Et on en a profité, on a fait un petit tour, là, on a fait Dijon, Tournai. Et moi, ça fait longtemps que je viens à Bruxelles, pour plusieurs raisons. J'ai un groupe ici, un trio, rock un peu expérimental, machin. Et puis les petits gramophones. Et puis les petits gramophones. D'ailleurs, on joue ce soir à la Gougoute à Pépé. Très bien, vendredi 28 octobre. Et du coup, j'ai proposé à Bastien, vu qu'on était juste à côté, de se faire la première partie, quoi. Allez. Comme ça, c'est la fête. On peut vous voir aussi dimanche. Hein, Et dimanche, ouais, ça va être une autre soirée. Ouais. C'est Sofiane, là, le copain bassiste, qui joue dans les petits gramophones, qui organise qui lui joue un peu avec des cirques aussi. Et qui organise une rencontre cirque, danse, musique. Donc, dans voilà. Un Magic Mirror, un endroit exceptionnel. Ah, c'est génial. Une soirée pluridisciplinaire. Ouais. Trou noir, avec un peu d'algéco, un petit peu d'épileptique et puis des impros. De la danse et du ouais. Cirque. Ouais, ouais. Dans ce beau lieu, vous l'avez ouais, vu. Ouais, on est allé voir hier, là, c'est super beau. Ouais. C'est tout en bois, là, c'est super. Très vous bien. Serez bien. Bon. En attendant, bah, donnez-nous le goût. Il nous reste 25 minutes pour ce 13e Où ira bien. Ah, c'est le 13e. Ouais. Porte-bonheur. Est-ce que c'est un signe ? Sûr. Et on reçoit Thomas Barrière et Bastien Pelinck, le duo Algeco, qui vont suivre. On vous écoute. En fait, j'étais désaccordé un peu, donc j'ai raccordé. Okay. Donc peut-être tu vas être un peu fou, mais c'est super. Ok. C'est raccord. Trou noir. Thank you. Peut-être entre les deux. Miaouaf. Miaouaf. Là, il faut que je m'accorde un petit coup. Ah, c'est ça. Il faudrait, vous réfléchirez à un petit jingle pour la fin de l'émission. Ah, pour Ouira j'en bien, qui ouira le dernier. J'en ai un, mais il tourne en boucle. Ah. Yeah. Ça te plaît ? La boucle a fait vachement de mal dans le monde de la musique. Mais en même temps, elle a fait du bien aussi, quoi. Elle a fait du bien à la télévision. La boucle est morte, vive la boucle. Non, mais si tu l'écoutes bien, il y a tout un travail d'empilement incroyable, quoi. Ouais, ça, c'est des petites bidouilles de clavier, là. Intersynthé. De dimanche. De dimanche. Ouais, plutôt le dimanche. Il fait soleil dans les studios de Radio Panique. Ouais. Là, on va jouer un morceau qui s'appelle Brescola. Vous savez qu'ils ont plus de parts de marché que Coca-Cola en Bretagne. Coca-Cola ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, et Coca-Cola a envoyé un sociologue en Bretagne pour essayer de comprendre ce qui se passait avec cette population-là. C'est bon, bah on a le jingle de voilà. On a le jingle de Brescola. J'ai appris ça il y a deux jours. Ils ont plus de parts de... Putain, c'est incroyable. Truc de barjo. Ok. Attends. Est-ce que vous êtes chaud ? Ok. C'est bon. Ça te va, toi ? Moi, ça a l'air pas mal. C'est du live, hein ? Donf. Thank you. c'est de la pop bretonne, quoi. Oui, c'est ça. C'était très beau, comme vous, messieurs. Merci. Oh, Barrière merci. Et Pelinque. On se met à la pop. Ah, oui. Et là... On aurait... Oh, ouais, il nous reste 10 minutes. Ah ouais. Ouais. Pour ce 13e. Bah, le blues, et ça ira très bien. Le blues, voilà. Ok. Faut que je m'accorde encore. Je suis vraiment chiant comme type. Tac. Mais alors là, c'est un accordage très spécial. Très spécial. Donc Thomas a sorti des petites baguettes chinoises. Hein. Oui, tout exact. À fait, on s'est fait un jap hier. C'était beaucoup trop cher d'ailleurs. Mais on ne donnera pas l'adresse quoi. Non. Donc. Alors pour ceci, je vais donner la note à Toto. Oh déjà les trucs. Elle était bien la première là. Ah mais quand tu bouges une, ça bouge. Ah merde. Comment ? Je comprends. Il est vraiment chiant comme type. C'était pas mal. Ok. Ça ira. C'est du live. C'est du blues ? C'est un blues, ouais. Dans la tradition, quoi. Thank you. C'était le duo El Gecko, Bastien Pelinck, Thomas Barrière, pendant une heure avec nous pour ce Oui ira bien, qui ira le dernier. Merci messieurs. Ben merci. Bon séjour à Bruxelles. Cool. Merci. Quelques petits remerciements déjà aux Lo-Fi Stories qui nous ont prêté leur créneau aujourd'hui. Merci Chacha. En ce vendredi 17h. Et à JP, évidemment. Merci JP. Notre technicien et, bon, ses câbles. Et... Ben, merci à vous. Et son sourire derrière le... Mm-hmm. Derrière la... Et son casque. La régie et son casque. Merci JP. Merci. Un petit mot, tout, c'est bon. Oui, trou noir. Panneau solaire. Bien joué. Pouvoir de la pensée. Nature humaine. Merci.